arc-en-ciel est fait d'un peu de tout. C'est le bleu d'un cerceau, le rose de vos joues, le jaune du soleil, le blanc de votre main, le mauve d'un cerf-volant, le noir de vos cheveux, le rouge d'une ombrelle, le vert de vos beaux yeux. Le plus bel arc-en-ciel est fait d'un peu